بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، nous essayons de continuer ce soir à la traduction de l'explication donnée par le Cheikh Ibn al-Uthaymin de la sourate An-Naba, qui est la première sourate composant le chapitre Amma, Juz, Amma. Et nous allons tenter ce soir donc de clôturer la traduction de cette explication. Et nous en sommes arrivés au verset numéro 30, lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa kulla shay'in » أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Et nous nous étions arrêtés sur le fait que il y a plusieurs points à retenir ici, notamment du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Ghafir, le verset numéro 49, en parlant des habitants de l'enfer, que ces derniers s'adresseront aux gardiens de la GN en disant « Ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman min al-adhab » « Invoquez votre Seigneur afin qu'il allège pour nous un jour de châtiment. » Et le Cheikh Ibn al-Uthaymin avait expliqué qu'il y avait plusieurs enseignements à retenir de cela, notamment, et c'est là le dernier des enseignements qu'il a cité, le quatrième, le fait que les habitants de l'enfer ne vont pas demander que leur soit allégé le châtiment de manière définitive, mais ils vont plutôt dire « Yawman min al-adab » un jour de châtiment, un seul jour. Et apparaît clairement à partir de là ce qu'ils vont subir comme châtiment, humiliation et avilissement. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلْ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِي. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet dans la sourate Shura, verset numéro 45, et nous n'avons pas complété la traduction du sens de ce verset la fois dernière. Tu les verras alors exposés à l'enfer, confondus dans l'avilissement et regardant d'un œil furtif. Regardant d'un œil furtif, c'est-à-dire regardant l'enfer d'un œil furtif du fait de ce que sa vision va provoquer en eux comme peur et effroi. Allah subhanahu wa ta'ala nous en protège. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la suite de cette sourate, inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laghwan wala kidhaba jaza'an min rabbika ata'an hisaba. Les pieux seront dans un lieu dans lequel ils connaîtront à jamais la réussite. Constitués de jardins et vignes, leur reviendront des femmes au sein ferme d'une égale jeunesse. Des coupes remplies leur seront servies. Ils n'y entendront ni futilité, ni mensonge à titre de récompense de ton Seigneur et à titre de don suffisant. Allah Azza wa Jal a ici fait mention de ce dont les pieux jouiront comme délice après avoir dit Inna jahannama kanat mirsad littaghina ma'aba. La GN est certes préparée et elle est pour les outranciens point de chute. Après avoir exposer le sort des outranciers, des transgresseurs. Allah Azza wa Jal a exposé le sort qui est réservé aux pieux. Car il faut savoir que l'exposé des choses dans le Coran est binaire. Lorsque la punition est mentionnée, la récompense est également mentionnée. Et lorsque la récompense est mentionnée, la punition est également mentionnée. Lorsque les gens de bien sont mentionnés, les gens mauvais sont mentionnés. Lorsque la vérité est mentionnée, le faux est mentionné. Donc la portée du Qur'an, elle est binaire. Afin que le cheminement de l'individu vers son Seigneur souverain soit entre la peur d'une part et l'espoir d'une autre. Car si l'espoir prend le dessus, l'individu va tomber dans un mal profond qui est celui de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que si c'est la peur qui prend le dessus, il risque à ce moment-là de tomber dans un autre mal profond qui est le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah. Et ces deux mots font partie des grands péchés. Et ces deux mots constituent des fléaux dangereux. L'imam Ahmed ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, il convient que l'individu soit dans l'adoration qu'il voue à son Seigneur souverain, entre la peur, al-khawf, et l'espoir, al-raja. Et lorsque l'un de ces deux prend le dessus sur l'autre, l'individu périt. C'est pour cela que tu trouves dans le noble Coran l'exposé de cela et l'exposé de cela afin que les âmes ne se lassent pas en entendant la mention approfondie d'un seul des deux états sans entendre l'exposé de ce qui s'y oppose. Donc comme on l'a vu, on trouve dans le Coran, dans la portée de l'exposé est binaire, on trouve l'exposé du bien et l'exposé du mal. La mention des gens de bien, la mention des gens mauvais. La mention de la récompense et la mention de la punition. Et ainsi de suite. Et c'est donc dans cette optique-là que doit être l'individu. Lorsqu'il lit le Coran, il doit être à la fois avide et craintif. Avide à l'idée d'obtenir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément. Et craintif face à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, à son courroux, à sa punition et à son châtiment. Et cela relève du caractère éloquent du noble Coran. Le fait que la portée de ce qu'il expose est binaire. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna lil muttaqina mafaza » Les pieux seront dans un lieu dans lequel ils connaîtront à jamais la réussite. Les pieux, dans le sens où ils se sont protégés de la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis ici, ça veut être la proposition de traduction de Al-Muttaqoun. Al-Muttaqoun, ce sont ceux qui ont concrétisé Al-Taqwa, la crainte pieuse. Comment concrétiser ce principe de crainte pieuse, de Taqwa? En accomplissant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et en s'écartant de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Parfois Allah subhanahu wa ta'ala ordonne de le craindre pieusement. Et parfois il ordonne de craindre le jour des comptes Et parfois, il ordonne de craindre l'enfer. L'exalté a dit, وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارِ Sourate Al-Imran, verset 131. Et craignez pieusement Allah afin que vous réussissiez. Et craignez l'enfer. Donc il a réuni entre le fait d'ordonner de le craindre pieusement et le fait d'ordonner de craindre l'enfer. Et l'exalté a également dit, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ Craignez un jour durant lequel vous serez retourné vers Allah. Surat al-Baqarah, verset numéro 281. Il a donc ordonné ici de craindre le jour des comptes, يَوْمَ الْحِسَابِ. Et tout cela tourne autour d'un sens unique. Le fait que l'individu craigne de dépasser les limites instaurées par son Seigneur souverain, de perpétrer des choses que son Seigneur souverain a interdites. Et qu'il fasse en sorte d'accomplir ce qu'il a ordonné, qu'il fasse en sorte de lui obéir et de s'abstenir de lui désobéir. Les pieux, ceux qui craignent pieusement Allah, al-muttaqoun, ce sont ceux qui auront donc accompli ce qu'Allah a ordonné et se seront écartés de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Ceux-là seront dans un lieu dans lequel ils connaîtront à jamais la réussite. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna lil muttaqina mafaza » Et le mot ici « mafaz » ça indique à la fois le lieu et le temps. Pour cela que je propose comme traduction du sens, ils seront dans un lieu lequel ils connaîtront à jamais, donc ici j'ai mis à jamais pour faire ressortir cette notion de temps, connaîtront à jamais la réussite, étant donné que cette réussite sera ininterrompue, sera éternelle. Donc ces pieux auront connu la réussite, et cela va se manifester dans le lieu dans lequel ils séjourneront, et également dans le caractère ininterrompu et éternel de leur séjour. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a clairement exposé un aspect de cette réussite en disant « Hada'iqa wa a'naba » constitué de jardins et vignes. C'est là un aspect parmi les aspects de cette réussite. Et une description qui est faite de ce lieu dans lequel ils vont justement connaître la réussite. Hada'iq, c'est le pluriel de hadiqa. C'est-à-dire, al-hadiqa ou al-hada'iq sont des jardins dans lesquels les arbres sont nombreux, variés et immenses. Hada'iqa wa a'naba. Al-a'nab, c'est le pluriel de inab. Et en réalité, ça désigne une sorte de jardin. Et Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié ici cette sorte de jardin, les vignes, du fait de leur noblesse. Inna lil muttaqina mafaza. Hada'iqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Allah subhanahu wa ta'ala a dit donc dans le verset numéro 33, leur reviendront des femmes au sein ferme, kawa'ib, d'une égale jeunesse. Atraba. Le terme kawa'ib, c'est le pluriel de ka'ib. Et ça désigne des femmes dont les seins sont fermes et dont ils ne tombent pas, lam yatadal, et qui sont apparents, Naam, le sens où ils sont fermes. Ce qui désigne donc la perfection de cette création. Et c'est là ce qu'il y a de plus parfait en termes de beauté de la poitrine. Et donc, les pieux leur reviendront des femmes au sein ferme, atraba. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un âge unique. Leur âge ne va pas varier. Il n'y en aura pas certaines qui seront plus âgées que d'autres, comme ce serait le cas des femmes, comme c'est le cas des femmes de ce bas monde. Et ce, afin que l'équivalence ne soit pas déréglée entre elles, et afin que certaines d'entre elles ne soient pas tristes du fait que d'autres sont plus jeunes qu'elles. Donc elles seront atrab, c'est-à-dire avec un âge égal. Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa ka'san dihaqa, des coupes remplies leur seront servies. C'est-à-dire des coupes, comme le dit ici le Cheikh Ibn al-Uthaymeen, des coupes de vin. Et il est possible que ce soit du vin ou une autre boisson, étant donné que, à propos du paradis, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, surat Muhammad, verset numéro 15, أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. نعم. الله سبحانه وتعالى a dit, à propos du paradis, il s'y trouve des cours d'eau qui ne tarissent pas, et de lait dont le goût ne s'altère pas, et des cours de vin délicieux pour les buveurs, et des cours de miel purifié. Cheikh Ibn al-Uthaymeen de continuer. Cependant, ce qui prévaut ici, c'est ce qui est visé par la passion qu'il y aura dans ces coupes, c'est qu'il s'agit du vin. C'est qu'il s'agit du vin. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, à propos des pieux, habitants du paradis, لا يسمعون فيها لغوا, ils n'y entendront pas de futilité. Ils ne vont pas entendre de futilité dans le paradis. Ils ne vont pas entendre de paroles fausses, ne contenant aucun bien. Voilà كذاب, ni mensonge. Ils ne vont pas non plus entendre de mensonges. Ils ne vont pas mentir. Les uns ne vont pas mentir aux autres, étant donné qu'ils seront sur des divans se faisant face, sur des divans se faisant face, Allah subhanahu wa ta'ala aura ôté de leur poitrine toute rancœur et aura fait d'eux des frères. Jaza'an min rabbika ata'a, jaza'an min rabbika ata'an hisaba, titre de récompense de ton Seigneur, à titre de don suffisant. Allah subhanahu wa ta'ala va leur attribuer cette rétribution du fait de leurs bonnes œuvres qu'ils avaient accomplies dans ce bas monde et du fait qu'ils avaient cherché à se protéger du courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils étaient écartés de ce qu'il avait interdit, Azza wa Jal. Jaza'an min rabbika ata'an hisaba, à titre de récompense venant de ton Seigneur souverain, et à titre de don suffisant. Puisque ici hisaba, ça veut dire kafiyan. Ça vient de al-hasb. Et on le fait que la chose est suffisante. Dans le sens où cette coupe ou ces coupes remplies, yarhamukallah, seront suffisantes à ceux qui en boiront et ils n'auront pas besoin de boire autre chose. Du fait de la complétude de son goût et de ses bénéfices. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans la fin de cette sourate, رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَانِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Donc dans le dernier verset sur lequel nous nous sommes penchés ensemble, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, jaza'an min rabbika ata'an hisaba, à titre de récompense venant de ton Seigneur souverain, à titre de don suffisant. Puis il a dit, bien sûr, dans un essai de traduction du sens de sa parole, lui, le Seigneur souverain des cieux et de la terre, et de ce qui réside entre eux, l'infiniment miséricordieux, nul n'aura le pouvoir de lui adresser de quelque manière la parole. Le jour où l'esprit et les anges se dresseront en rang, nul ne parlera, sauf celui à qui l'infiniment miséricordieux aura accordé la permission et qui dira la vérité. Ce jour-là est vérité, que celui qui veut prenne donc auprès de son Seigneur un refuge. Nous vous avons certes averti d'un châtiment proche, le jour où l'individu verra ce que ses deux mains ont préparé et où le mécréant dira, hélas, si seulement je n'étais que terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit, رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن, lui le Seigneur souverain des cieux et de la terre, et de ce qui réside entre eux, l'infiniment miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur souverain de toutes choses. Il a dit, إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. Surat An-Naml, verset numéro 91. Il a ordonné à son serviteur et messager sallallahu alayhi wa sallam de dire, m'a uniquement été ordonné d'adorer le Seigneur souverain de cette contrée, qu'il a rendu sacré. Et c'est à lui qu'appartient toute chose. Verset 91 de la sourate An-Naml. Il est donc le Seigneur souverain et créateur des sept cieux. Et il est le Seigneur, souverain et créateur de la terre. Les terres d'ailleurs qui sont également au nombre de sept comme cela, a été établi dans la sunna rapportée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a notamment été recueilli par Al-Bukhari et Muslim, comme vous pouvez le trouver en note de bas de page. وَمَا بَيْنَهُمَا, il est le Seigneur souverain, donc créateur des cieux et de la terre, et de ce qui réside entre eux, c'est-à-dire ce qu'il y a entre les cieux et la terre, hein, comme créature gigantesque, telles que les nuages ou les astres, et ce que nous connaissons, et ce dont seul Allah subhanahu wa ta'ala détient le savoir. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le Seigneur souverain et créateur de toutes choses. Azza wa Jal. Il a dit, suite à cela, Ar-Rahman, en coordonnant la mention de ce nom à ce qui a précédé. Et la mention de ce nom contient l'exposé clair du fait qu'il est l'infiniment miséricordieux, qu'il a pour attribut la miséricorde exhaustive et infinie, embrassant toute chose. La yamlikuna minhu khitaba. Rabbi as-samawati wal-ardi wa ma baynahuma ar-rahman. La yamlikuna minhu khitaba. Nul n'aura le pouvoir de lui adresser de quelque manière la parole, dans le sens où les gens ne détiendront pas le pouvoir de s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, et personne ne pourra parler ce jour-là, excepté par permission venant d'Allah azza wa jal. Ce jour-là, c'est le jour à propos duquel Allah subhanahu wa ta'ala a dit يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحِ, le jour où l'esprit et les anges se dresseront en rang. يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّا, le jour où l'esprit et les anges se dresseront en rang. L'esprit ici, ça vise Jibril. L'esprit ici, ça vise Jibril, alayhi salam. Donc Jibril et les anges vont se dresser en rang. Rang après rang. Comme cela est rapporté dans le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que les anges du ciel le plus bas vont descendre et encercler les créatures. Puis les anges du second ciel qui se placeront derrière eux. Puis du troisième, puis du quatrième, puis du cinquième. Et ainsi de suite. Ils vont se ranger, se dresser, ranger en rang. Seul, celui qui les a créés, subhanahu wa ta'ala, détient le savoir relatif à leur nombre. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Donc le jour où l'esprit et les anges, le malaïka, se dresseront en rang, nul ne parlera. Sauf celui à qui l'infiniment miséricordieux, Ar-Rahman, aura accordé la permission, et qui dira la vérité. Dans le sens où personne ne parlera, ni les anges, ni autre que. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos de ce jour, وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلْرَحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلْرَحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا. Et les voix s'abasseront face à l'infiniment miséricordieux. Tu n'entendras alors qu'un chuchotement. Surat Taha, verset 108. إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانِ. Sauf celui à qui l'infiniment miséricordieux aura accordé la permission, c'est-à-dire à qui il aura autorisé de parler. Et celui à qui l'autorisation aura été donnée de parler, parlera en fonction de l'autorisation qui lui aura été donnée. وَقَالَ صَوَابَ, et qui dira la vérité. Parole juste, droite, conforme à ce qui provoque l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela va se manifester par l'intercession. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala autorisera à un individu d'intercéder. Et ce dernier intercédera en faveur de ceux pour qui l'autorisation lui aura été faite d'intercéder et dans les limites de ce qui lui aura été autorisé. À propos de ce jour, Allah subhanahu wa ta'ala a dit ذلك اليوم الحق, le jour-là est la vérité. jour à propos duquel nous vous avons informé. C'est la vérité, l'inverse du faux. Le sens où son avènement est établi. Ce jour-là va se manifester la vérité, ainsi que la justice. C'est un jour au cours duquel ni bien, ni enfant ne profiteront. Sauf à quiconque se sera présenté à Allah avec un cœur pur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا. Que celui qui veut prenne donc auprès de son Seigneur un refuge. Que celui qui le veut donc accomplisse donc des œuvres par lesquelles il va se réfugier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et par lesquelles il va revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ces œuvres-là, ce sont les œuvres pieuses, conformes à ce qui provoque l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui permettent de revenir à lui d'une manière qu'il agrée Azza wa Jal. Cette volonté absolue ici, man sha'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba, que celui qui veut prenne donc auprès de son Seigneur un refuge. Cette volonté ici, qui est affirmée de manière absolue dans ce verset, a été restreinte dans un autre verset, à savoir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate At-Takwir, verset 28-29. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Pour quiconque parmi vous voudrait être droit, et vous ne voudrez que si Allah le veut, lui, le Seigneur souverain des mondes. Donc cette volonté de la créature est une volonté qui est restreinte. Donc nous avons le choix dans ce vers quoi nous nous orientons. Personne ne nous contraint de faire quoi que ce soit. Cependant, ce choix, cette volonté revient à Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Vous ne voudrez que si Allah le veut. Allah subhanahu wa ta'ala a exposé cette chose-là dans son livre, afin que l'individu ne se repose pas sur sa propre personne et sur sa propre volonté, afin que l'individu sache que sa volonté est liée à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et afin qu'il se réfugie vers Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant d'être guidé vers ce qu'il aime et agrée. Et qu'aucun individu ne dise « Je suis libre, je veux ce que je souhaite et je fais ce que je veux. » Nous disons « Effectivement, c'est une réalité, mais sache que tu es lié à la volonté d'Allah Azza wa Jal. » Donc il n'est pas une chose que nous voulons sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait voulu au préalable. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna anvarnakum azaban qariba » Nous vous avons certes averti d'un châtiment proche. Dans le sens où nous avons suscité en vous la peur face à un châtiment proche qui n'est autre que le châtiment qui va se manifester le jour de la résurrection et au Qiyam. Le jour de la résurrection est proche. Même si ce bas monde devait rester des millions d'années, le jour de la résurrection reste proche. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son sujet, à la fin de la sourate An-Nazi'at, verset 46, كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. C'est comme si le jour où ils le verront, c'est-à-dire le jour de la résurrection, ils n'avaient demeuré, c'est-à-dire dans ce bas monde, qu'un soir ou un matin. Donc ce châtiment contre lequel Allah nous a avertis est un châtiment proche. Et entre l'individu et ce châtiment, il n'y a que la mort. L'individu ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Il est possible qu'il arrive au matin et qu'ensuite il n'atteigne pas le soir. Et il est possible qu'il arrive au soir, mais que par la suite il n'atteigne pas le matin. C'est pour cela qu'il nous incombe obligatoirement d'être résolus dans nos œuvres. Et que nous saisissions les occasions qui nous sont données avant qu'il soit trop tard. Avant que ne vienne le jour à propos duquel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ » Le jour où l'individu verra ce que ses deux mains ont préparé, ce que ses deux mains littéralement ont avancé. L'individu, al-mar, tout individu, regardez ce que ces mêmes ont préparé, ce qu'elles ont avancé, c'est-à-dire les œuvres qu'il a accomplies dans ce bas monde, dans cette dunya. Chaque individu se saisira de son livre et connaîtra sa destination. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet, surat al-Isra, verset numéro 14, اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Connaissez ce verset. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَقْرَأُ مَنْشُورًا اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. Lis ton écrit, ton livre. Aujourd'hui, tu te suffis comme comptable. Ce jour-là, le mécréant, al-kafir, dira à cause des atrocités, de l'intensité des atrocités qu'il va voir ce jour-là, à cause de l'intensité du châtiment, Ya laytani kuntu turaba. Hélas, si seulement je n'étais que terre. Dans le sens où il va dire, hélas, si seulement je n'avais pas été créé. Ou si seulement je n'avais pas été ressuscité, ou en voyant les bêtes entre lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala va trancher. Puis, à qui il va dire, soyez terre à présent, et elles deviendront alors de la terre. Parmi les éventualités, il y a le fait que si le mécréant va dire cette chose-là, ce jour-là, c'est en référence au sort des bêtes, en le sens où le mécréant aimerait ce jour-là que le même sort lui soit réservé de venir de la terre. Donc, en disant « kuntu turaba », si j'étais de la terre, si seulement je n'étais que terre, il y a trois éventualités concernant le sens. Premier sens éventuel, le fait que le mécréant vise par là, qu'il aurait souhaité ne pas avoir été créé. Étant donné que l'individu est créé de terre, qu'il aurait aimé rester au statut de terre. Deuxième sens éventuel, le fait qu'il vise si seulement je n'étais que terre, dans le sens où, si seulement j'étais que terre et que ainsi je n'étais pas ressuscité, en souhaitant être similaire à de la terre qui se trouverait, à titre d'exemple, dans le fond des tombeaux. Troisième sens éventuel, le fait qu'il vise par cela, par ce souhait, par cette volonté, connaître le sort des bêtes. En effet, en voyant les bêtes entre lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala aura tranché, et à qui il aura dit d'être de la terre et qui deviendront effectivement de la terre, il est possible que par là il fasse référence au sort de ces bêtes-là en souhaitant devenir à leur image de la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant, et c'est ainsi que se termine la sourate An-Naba, qui contient des exhortations, des sagesses et des signes exposés par Allah subhanahu wa ta'ala qui poussent à avoir une foi convaincue en lui, Azza wa Jal. Et nous demandons à Allah de nous faire profiter ainsi qu'à vous de ce que son livre contient et d'en faire une exhortation pour nos cœurs et une guérison de ce qui est dans nos poitrines. Il est certes infiniment généreux, et c'est par la même occasion que se termine cet essai de traduction de ces quelques explications du Cheikh Ibn Al-Uthaymin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, ainsi qu'à l'ensemble des ulama de la sunna, qu'il préserve ceux qui parmi eux sont encore en vie, et qu'il allonge son existence, leur existence, dans son obéissance. Azza wa Jal. Allahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.